Voilà. Elle est jolie brunette. Hein. Ah, écoute. Il paraît que c'est les plus coquines. Je ne sais pas. Bah, moi, je peux te le dire. Quelle bonne nouvelle, mon petit Hervé. Ça va très bien, en pleine forme. Ouais. Super, ouais. Écoute, tu ramènes un petit peu plus d'éclaircies là, ce soir. Ouais, en pleine promo pour la prochaine soirée. Hein. Ah là là. Mais là, quand est-ce que c'est, cette soirée? Le 4 août. 4 août. 4 août. Ah, toujours aussi pâle, j'ai 25 minutes de Lille. C'est pas loin de venir en bus. Ça va pas bouger hein, pour l'instant. Mais bon. Non. Quel thème précis pour cette soirée? New Wave Club Classics. Moi j'aime bien le Club Classics. Classé X ou Classics? Class X. Class X, d'accord. Voilà. Bah, de toute façon, ta femme le sait bien. Ta femme le sait. T'es un petit coquin toi quand même. Hein, absolument pas. Ah, c'est vrai? Ouais, je te jure. C'est marrant ça. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'aurais cru en fait. Ah bon? Derrière ton petit air timide. Ah, je suis quelqu'un de très timide, tout le monde le sait. Fort commercial, mais. Ouais, absolument pas. Oh, jamais. Écoute, je suis tombé sur ton répondeur tout à l'heure, j'étais un petit peu sur le cul. Ah ouais, tu vois, je parle très calmement. Ah, c'est normal par rapport à ma profession. Zen, oui, c'est vrai. Pas à les exciter, les petits vieux. Hein. Non, mais bon. On sait, un message comme ça, ça réveille pas à mort, ça c'est vrai. C'est clair. Voilà, donc prochaine bon, soirée. Bon, Simple, oui, alors vas-y. Ouais, très bien. Tout va bien. Classé X. Oui. Bonjour, maman. Bonjour, mes chéris. Non, mais je te parle de la soirée, justement. Arrête de dévier un petit peu. Arrête de dévier un petit peu. Donc, les Steeple à 25 minutes de Lille, comme d'habitude. Très grosse avec, soirée. Mois d'août, le 4. Ouais. Ah, c'est juste avant mon anniversaire, tiens. En 2007. Ah, non, c'est pas cette année, moi. La prochaine. Excellent. Bon, je cherche une coquine qui fait plein de cochonneries, ça m'intéresse. Donc, Madame U, si vous nous entendez, écoutez, je crois que ce message est très simple. Ah là là. Il y a quelque chose dans le micro, il n'y a pas une odeur, un truc comme ça? Que tu renifles depuis tout à l'heure, parce que je vois que des effluves comme ça. Minou. Miaou. Il est fou, c'est terrible. Il est fou. Bon, on rappelle quand même ton site internet, on peut retrouver toutes tes blagues. Rememberofpass.com avec un tiret entre chaque particule ou le site MySpace. MySpace.com/minimalelectrowave. Voilà. Ah, bien. Vous aurez toutes les informations, et les photos, les photos et tout. Bon, les photos intimes, tout ça, tu sais. À quand les petites vidéos des soirées au Steeple? Comment? On se croirait à l'école des fans avec ton jamais. Non, pas de vidéo, non. Et les gens, ils seraient trop. Ah, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut y aller, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut voir, il faut goûter, il faut tester. Et voilà. Taste. Yes, of course. Quel goût. N'est-ce pas? Ah, yeah. Allez, je te laisse, on empiète sur ton merci émission. À vous tous. Ciao. Allez, tout de suite, l'émission RVU. Oh. Quel con. Non, il n'y a plus de micro, c'est fini. Vous retrouvez tout de suite en direct RVU l'émission Remember Face qui se prolonge jusqu'à 22h30. Et juste après, ce sera le reste de la programmation sur Galaxy, toujours en direct. Galaxy, out of time. Number of Past découvrait une musique qui a marqué sa génération.

partie de réanimer avec électrochoc sur Galaxy. And 22h30, Dartworm. riot, I will sit in a lantern and be quiet. It threatens me. Your